soudain. C'est de la merde. Et voilà. Vous avez rien ou pas foutu, tu regardes la télé. Allez, sortez de là, on en a rien à branler. Vive l'anarchie. Image du livre, est-ce qu'on va sortir faire un petit tour dans la ville, retour du pâté de maison, comme un vieux livre, c'est tous les personnages. Après trois semaines de traversée, le Melquiades arrive à La Guerre, Venezuela. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. C'est en descendant vers les bas quartiers que l'on entend les refrains populaires. Pour être vrai, il convient de dire que ces refrains viennent à vous dans les rues de la ville moderne, une fois couché le soleil. Bonjour Saint-Etienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce mardi 21 janvier 2025. Comme vient de l'indiquer l'indicatif précisément à l'instant, vous êtes bien dans le programme des mots, des sons sensibles, actualité, politique, sociale et culturelle. En ce deuxième jour de cette semaine, un sujet principal. À l'occasion de ces prochaines nuits de la lecture, cet événement national initié par le ministère de la Culture qui vont se tenir cette semaine du 23 au 26 janvier partout en France et autour de la thématique des patrimoines. Et bien à Saint-Étienne, les nuits de la lecture auront lieu à partir de ce jeudi 23 au samedi 25 janvier. L'occasion de revenir sur le programme attendu cette fin de semaine, vous inciter à la lecture peut-être et inciter à l'écriture, pourquoi pas, en tout cas c'est toute l'intention aussi de la ville de Saint-Étienne qui accueille en résidence, et ce depuis le 13 janvier dernier, Marin Fouquet, dont on a déjà parlé la semaine dernière sur cette même antenne. Et bien Marin Fouquet va bénéficier de 3 mois de résidence à Saint-Étienne où il pourra alterner des périodes pour se concentrer sur son écriture d'un éventuel prochain ouvrage et puis des moments d'échange avec la ville, avec ses habitants, habitantes, son jeune public, bref, différents temps de rencontres prévus avec cet auteur qui est donc en résidence en 2 périodes principales, une première jusqu'au 14 février prochain et jusqu'au 13 juin, entre le 14 avril et 13 juin prochain également. Voilà, l'auteur pourra se consacrer à son écriture tout en s'immergeant dans la vie locale. L'occasion est bien de rencontrer à nouveau Marin Fouquet après cette première proposition semaine dernière, puisque précisément, eh bien, un premier temps d'interaction finalement et de rencontre avec Marin Fouquet avait lieu semaine dernière. C'était jeudi dernier où Marin Fouquet a eu l'occasion de lire quelques-uns de ses textes, s'est entretenu sur son travail d'écriture, ce qui a permis au public présent de découvrir son œuvre, ce qui était notre cas puisque nous étions présents lors de cette rencontre jeudi dernier à la bibliothèque de Carnot. L'occasion, eh bien, de vous proposer quelques temps de rencontre et une lecture notamment d'un texte de Marin Fouquet. Voilà, tout cela à l'occasion de ces nuits de la lecture 2025. Ce sera l'essentiel menu contenu de ce programme aujourd'hui. Tout cela ponctué bien sûr de nombreuses autres infos actualités à vous faire part et qui vont intervenir comme ça de façon assez tout azimut finalement. Bref, l'actualité au menu de ce programme. Une heure à passer ensemble, des mots, des sons sensibles, actualité musicale également à l'honneur. Comme à notre habitude, nous allons ouvrir ce programme avec nos découvertes partenariats Ferrarock, notre fédération nationale, fédération des radios associatives musiques actuelles de France, dont Dio fait partie bien sûr. 2 nouvelles propositions et découvertes partenariats albums cette semaine. Je vous ai fait découvrir hier Murtaugh's Law, qui est sorti en autoproduction le 17 janvier dernier. Même date de sortie pour cet album de cette seconde proposition donc, sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui. Il s'agit de l'artiste Eino Salto qui a sorti également cet album le 17 janvier dernier. L'album s'intitule Imagine People as Adolescent Birds. Il est sorti via le label Irascible Records. Alors Eino Salto eh bien, a décidé d'aborder différentes thématiques au sein de cet album pour cette artiste musicienne qui est née en France, qui a grandi à Leipzig, qui vit aujourd'hui à Berne. C'est un label suisse, donc, Irascible Records, qui soutient cet album, qui est un recueil de 7 chansons assez puissante. Il y a de la musique sur la sororité, les réseaux féministes, la colère, la vie, tel le sentiment que l'on éprouve en regardant des lignes électriques défiler en conduisant. Bref, voici Eino Salto que je vous propose de découvrir donc avec le titre Mother Mushroom, que j'ai extrait donc de cet album Eino Salto, projet solo, qui indique, je cite, « Je me suis dit, je vais si souvent mal face au monde et toutes les autres aussi. Alors de quoi avons-nous besoin maintenant ? Des chansons heureuses, je me suis dit, ou au moins des choses énergiques, sans résignation, sans ignorer le monde, mais aussi sans pleurer de désespoir. » Eh ben oui, on est plutôt d'accord. Mother Mushroom, Eino Salto, issu de cet album Imagine People as Adolescent Birds, que je vous propose de découvrir en ouverture de ce programme. Des mots, des sons sensibles. C'est parti. The motherland is a mushroom, I've seen it grow. Hidden in the distance of mushed bloom bins flows the idea of everybody in. And bankers and people have seen, and frogs and bottoms and those who have heard and want to begin to heal. Drinkers and street sleepers and so-called peacekeepers and people who think gender reveal is a cool motto for a function. People with and without wits and with and without arrogance, don't worry, we'll get you. You can't hide from the dance floor, we'll make you adore yourselves. Come in, come out. To bloom, and the changes keep coming like past distorted headlines when there's fog and a turn. What do you look for in a headlight? We make our own heads light. Have the tide change you? You can't flee the moon, so why try? Make our own steps right. There's only use for gloom if it's a theme party, and the motto is types of floors. So we put up the fairy lights and move to where we want to be and to ourselves. And we we Mother Mushroom, issu de cet album Imagine People as Adolescent Birds. L'idée centrale de cet album serait de considérer toutes les personnes qui composent l'humanité comme des oiseaux adolescents, comme si elles venaient de tomber du nid et devaient se trouver les unes les autres. Eino Salto qui réalise cet album, Sonia Loen de son vrai nom. Imagine People as Adolescent Birds, sorti le 17 janvier dernier chez Irascible Records. C'est le partenariat et la découverte Ferra Rock cette semaine aux côtés de Murtos Law, sorti le 17 janvier également en autoproduction. Cela signifie pour ces découvertes et partenariats, présentation quotidienne sur les antennes Ferra Rock, diffusion, présentation et une émission spéciale, bien sûr, pour en savoir encore davantage. Ce sera Dig Dig Diggers à retrouver cette fin de semaine. Ce sera ce vendredi sur Dio, 12h-19h, et le lundi en matinale dès 8h, avec une interview réalisée auprès de Eino Salto par Jordan de Radio Méga. Vous retrouverez le groupe Murtos Law avec une interview réalisée par Marco et Nathalie de Radioactive. Et vous aurez même un troisième petit module carte blanche réalisé par Thibaut de RPG autour de Vlad et autres actualités discographiques. Dig Dig Diggers donc à retrouver vendredi sur Dio. Et plus d'infos encore sur ces découvertes et partenariats de la semaine via le site dédié ferrarock.org. Des mots des sons sensibles qui s'ouvrent avec quelques infos à vous faire part et quelques rendez-vous en conférence de débat notamment. Pour ce mercredi 22 janvier à 18h avec la coopérative des idées. La coopérative des idées qui est un projet commun des groupes d'action LFI Culture Université, de la revue Des Générations, de l'association Après la Révolution qui édite la revue du même nom et de l'Université Populaire de la Jeunesse Communiste de la Loire. La coopérative des idées avait accueilli Johan Chapoutot en avril 2024 et il propose là un temps de rencontre autour de travail, contrôle ouvrier et écologie. Alors pour ce, ils ont finalement constitué cette table ronde avec trois intervenants, intervenantes principaux, principales. Adrien Cornet qui est responsable CGT de la raffinerie de Grandpuy en Normandie. Alexis Cuquier qui est philosophe marxiste et Claire Touvenot de la revue précisément Après la Révolution. Alors pour ce, ils se sont appuyés sur une tribune unitaire dont je vais vous faire part, qui est intéressante pour finalement aussi alimenter la discussion et la conférence rencontre à venir sur cette thématique. La lutte contre les licenciements dans l'industrie est une lutte écologiste. C'est une tribune unitaire entre la CGT Total Énergie Grandpuy, les Soulèvements de la Terre, les Amis de la Terre France, Extinction Rébellion, face aux vagues de licenciements dans l'industrie, les démantèlements des services publics et la répression syndicale. Vancorex, ArcelorMittal, Michelin, Auchan, Airbus, Valeo, mais également de nombreux secteurs du public. Depuis le début de l'automne dernier, les annonces de plans de licenciement massif et de fermeture de sites se multiplient sur le territoire. D'après la CGT, 300 000 emplois pourraient être menacés, notamment dans les secteurs de la chimie, la métallurgie et le commerce. Pendant trop longtemps, écologie et emploi ont été opposés artificiellement par ceux qui avaient tout intérêt à convaincre les travailleurs que les écologistes voulaient fermer leurs usines, seul moyen pour eux de nourrir leur famille, et les écologistes que les travailleurs étaient responsables ou complices de la pollution et des ravages environnementaux. Comble du cynisme, l'écologie a même été utilisée par le patronat pour justifier les licenciements, comme la raffinerie Total de Grandpuy, où 700 emplois ont été supprimés en 2021, sous couvert d'une hypocrite reconversion verte du site, où actuellement chez Stellantis, où l'usine de Poissy est destinée à devenir un green campus du géant de l'automobile. Face aux licenciements qui se multiplient, jetant des milliers de travailleurs et leurs familles dans la précarité et la souffrance pendant que les ravages environnementaux s'approfondissent, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes cette opposition organisée par les patrons. Ce sont les mêmes qui licencient en masse et qui ravagent le monde, exposant au passage les travailleurs et leur santé au pire des pollutions. Le cas de l'usine Solvay de Salins moindre dans le Gard en est une illustration évidente. Après avoir dégradé la santé des travailleurs et l'environnement à coups de polluants éternels pendant des décennies, l'usine ferme en prétextant des normes environnementales trop contraignantes, laissant les travailleurs sur le carreau et les environs de l'usine durablement polluée. C'est pourquoi la lutte contre les licenciements est aussi une lutte écologiste, pour stopper l'offensive des patrons qui cherchent à faire payer aux travailleurs les prix de la crise économique et écologique. Il faut aujourd'hui se battre aux côtés du monde du travail et notamment des grèves qui émergent dans différentes entreprises pour interdire tout licenciement. Il est évident que face à la crise écologique, nous ne pouvons pas continuer à produire comme nous le faisons actuellement, mais il est tout aussi évident que les plans du patronat nous mènent dans une impasse catastrophique sur le plan écologique et social. Nous pouvons dessiner une autre issue à la crise écologique et sociale en socialisant sans rachat les usines condamnées et à fermer sous le contrôle des travailleurs afin de lancer leur reconversion écologique entre les mains de ceux qui en ont l'intérêt, les travailleurs et les habitants. Face à un gouvernement et à un patronat radicalisés qui ont réprimé durement écolos comme travailleurs dans la dernière période, une telle chose ne tombera pas du ciel. Elle ne pourra être que le résultat d'une lutte d'ensemble du monde du travail et du mouvement écolo, une perspective à construire dès maintenant à partir d'un travail d'alliance locale et d'une mobilisation conjointe. C'est donc signé la CGT Total, Énergie Grand Puits, les Soulèvements de la Terre, les Amis de la Terre France et Extinction Rébellion, une tribune unitaire qui donc inspire ou a inspiré cette rencontre conférence débat travail, contrôle ouvrier et écologie qui se tiendra ce mercredi 22 janvier à partir de 18h dans la grande salle de la Bourse du Travail de Saint-Étienne. Nous l'avons déjà fait hier, mais nous le rappelons à nouveau, le rendez-vous de ce mardi 21 janvier, c'est BDS Saint-Etienne, boycott des investissements sanctions, qui propose un temps de discussion ouverte à tous et toutes, également autour du cessez-le-feu, avec cette question posée, un accord de cessez-le-feu et après. Et oui, alors que nous serons à J+2 de ce cessez-le-feu si fragile, un temps de discussion pour échanger sur la situation et les perspectives pour notamment la solidarité internationale toujours indispensable et nécessaire après l'annonce de ce cessez-le-feu. Temps de discussion ouvert à tous et toutes au local solidaire qui est situé 20 rue des Cours à Saint-Étienne. C'est à 20h ce mardi 21 janvier. Et nous l'annoncions également hier, nous anticipons un peu sur l'agenda avec ce week-end Palestine qui est prévu les 1er et 2 février prochains. Nos voix pour l'espoir, ce sera à la fois au Méliès Jean Jaurès et à l'Amicale Laïque du Crédroc, avec à la fois des projections rencontres, des expositions, spectacles, rencontres, repas, concerts et mix. N'hésitez pas à aller consulter le site du numéro 0, pour exemple le site participatif et collaboratif, le numéro 0.1. Info qui vient de notamment publier et rendre compte enfin de cette programmation détaillée de ce week-end attendu des 1er et 2 février. C'est organisé par BDS Saint-Etienne aux côtés du Méliès et du Crédroc qui accueillent ce week-end-là et l'ensemble Nomade également qui est très largement co-organisateur de cet événement. Nous aurons l'occasion d'en reparler en invitant précisément les organisations qui sont à l'origine de ce week-end Palestine. Nos voix pour l'espoir, donc, notez le rendez-vous les 1er et 2 février prochains. Dans une semaine exactement, mardi prochain, nous serons sur une émission spéciale conseil municipal avec ce première séance de conseil municipal attendue de ce début d'année 2025 puisque la séance se tiendra et publiquement d'ailleurs toujours lundi après-midi. Nous retour avec une émission spéciale chaque lendemain d'eux. Ce sera donc à l'ordre du jour dans une semaine. Peut-être ce point-là sera-t-il d'ailleurs abordé et à l'ordre du jour de cette séance. Nous n'avons pas encore connaissance pleinement de l'ordre du jour détaillé, mais voilà que le collectif des écoles publiques stéphanoises organise notamment cette fin de semaine une conférence de presse dans les locaux de la FSU de la Loire. Donc c'est le SNUIPP FSU de la Loire qui nous a fait part de ce point en février dernier 2024. ce collectif des écoles publiques stéphanoises était reçu par le maire de la ville pour échanger sur les revendications du collectif et la situation globale des écoles. Et parmi toutes les pistes d'amélioration évoquées, une proposition émanant du collectif avait reçu l'approbation du maire. Le collectif formulait l'hypothèse que les effectifs des écoles privées de la ville continuent à s'éroder à la rentrée et depuis la rentrée dernière 2024. La municipalité reversant, précise le SNUIPPFSU, près de 1000 euros à l'OGEC pour chaque élève, des économies d'échelle substantielle pourraient ainsi se dégager. Les chiffres du rectorat publiés en novembre dernier auraient confirmé cette hypothèse. Ce sont ainsi plus de 60 000 euros qui pourraient être ainsi reversés aux subventions aux projets d'écoles publiques, ainsi que le maire s'y était engagé. Mais malheureusement, et malgré plusieurs relances, le collectif nous indique qu'il reste sans nouvelles de cette promesse, alors même que les finances des écoles publiques auraient un besoin impérieux de ce sursaut budgétaire. Voilà donc qui est suivi de près par le collectif des écoles publiques stéphanoises, invitant la presse certes à cette conférence de presse cette fin de semaine, et qui peut-être remontera sur la situation scolaire en séance de conseil municipal, je le disais, qui se tiendra lundi prochain après-midi. La ville de Saint-Étienne et l'échéance électorale municipale prochaine. Nous sommes à un peu plus d'un an des prochaines élections municipales, alors, dont on parle toujours beaucoup ici et là. Vous savez qu'un collectif s'est monté localement, Saint-Té Populaire, et qui a tenu quelques réunions publiques, de temps de réflexion, de travail, et qui organise son pot d'amitié et ses vœux 2025. Ce sera ce mercredi 22 janvier à l'amicale laïque du Crédroc à partir de 19h30. Voilà, un événement qui marque une étape importante pour ce mouvement qui donc à un peu plus d'un an des prochaines élections municipales reste fidèle à sa démarche à la fois municipaliste et participative et qui essaye de rassembler toute force possible, plutôt de gauche, autour de ce projet porté et décidé collectivement par les habitants et habitantes dans l'intérêt de la ville. En tout cas, voilà, Saint-Té Populaire nous a fait part de cette rencontre et de ce pot d'amitié et des vœux 2025 cette semaine. Autre info avec il y a des associations ou organisations plutôt partenaires d'IO. Parlons par exemple du CEDMO, le Centre d'études et de documentation sur l'histoire, la culture et la mémoire du mouvement ouvrier dans la Loire, qui est également partenaire et membre du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois, qui organise régulièrement et de façon mensuelle une émission sur le 895 de Dio. On le rappelle, c'est le deuxième mercredi de chaque mois à partir de 18h. L'équipe du CEDMO, qui certes présente ses meilleurs vœux 2025, de réussite dans nos diverses activités, qui organisera son assemblée générale le 5 février prochain aux archives départementales à 17h, mais qui nous rappelle quelques événements à venir, avec notamment cet événement de cette semaine, en collaboration avec l'association Ripagérienne de Recherches Historiques. Ce sera ce vendredi 24 janvier à 19h30 et samedi 25 janvier à 15h à Rive-de-Gier, salle Jean d'Asté, la projection du documentaire « Sans soudure, épopée d'une forge de Rive-de-Gier ». Voilà, retour donc sur ce qui a fait aussi l'histoire industrielle locale de la vallée voisine. Le CEDMO nous rappelle également qu'un documentaire à Alliance à Pont-Salomo a été produit localement, diffusé d'ailleurs récemment sur une chaîne de télévision locale, un film consacré à l'usine de faux de Pont-Salomo et son créateur, Pierre-Frédéric Dorian, maître de forge. Et qui est d'ailleurs visible sur la toile ici et là, mais qui sera aussi projeté en présence du réalisateur Alain Dumas à Monistrol-sur-Loire durant ce mois de janvier et à Saint-Pal-de-Mont. Ce sera à la médiathèque le vendredi 7 février prochain pour deux séances à 15h30 et 20h. Et le CEDMO 42 nous rappelle enfin, et je vous en fais part, de cet événement de la fin de ce mois. Ce sera le vendredi 31 janvier prochain, une conférence débat à 18h15 avec Alain Ayotte, qui est socio-anthropologue et qui est auteur du livre « Face face au nouveau monstre, le sursaut, qui est un livre qui démystifie les discours dominants de l'extrême droite. Voilà un sujet à la fois d'actualité et ô combien intéressant. Une conférence débat donc attendue, je vous le rappelle, le vendredi 31 janvier 18h15 et ce sera à la Bourse du Travail de Saint-Étienne au premier étage, salle des conférences. Un autre rendez-vous avec un autre partenaire, on parle d'ouvrages, de livres qui font l'objet de conférences. C'est le cas avec l'association de philosophie Aussitôt dit, qui propose régulièrement ses conférences de l'hôtel de ville et qui d'ailleurs propose aussi toujours ses cours publics. C'était le cas hier par exemple avec le cours de Philippe Forêt sur Montaigne, art de vivre et conscience morale. Il y aura un prochain cours public autour de handicap et institutions. Ce sera avec Yves Brouchon le 28 janvier prochain. C'est à 18h30 à l'amicale laïque Chaplon, place Jacquard. Aussitôt dit, surtout, nous propose une prochaine conférence de l'Hôtel de Ville. Vous le savez, c'est aussi un rendez-vous diophonique. Aussitôt dit, nous propose des conférences archives que nous diffusons le premier mercredi du mois dans la mensuelle du café à 10h. Donc ce sera le cas début février prochain, mais en attendant, une prochaine conférence de l'Hôtel de Ville et ce n'est pas plus tard que cette semaine, ce sera ce 23 janvier, c'est-à-dire jeudi à partir de 19h avec Jean-Baptiste Brenet qui est éditeur et traducteur de textes d'Averroès sur Dieu et la connaissance du monde. Qu'est-ce que Dieu connaît du monde ? Le Coran a sa réponse. Nulle feuille ne tombe sans qu'il le sache. Mais qu'en est-il pour les philosophes qui lisent Aristote ? Pour eux, disent leurs adversaires, Dieu n'est qu'un pur intellect qui soit ne connaît que lui-même, soit n'a du réel qu'une connaissance générale, alternative inadmissible pour la théologie. Les êtres abandonnés à leur contingence n'auraient plus de sens et Dieu ne serait plus Dieu. Averroès s'empare du problème. Savoir ce que Dieu connaît du monde n'est pas qu'une affaire d'exégèse coranique, c'est un besoin de la raison pour qui veut saisir l'ordre des choses. Qu'en dit-il ? Eh bien, on le lira ici dans ces textes majeurs qui montrent l'importance de la pensée arabe dans ce débat. Jean-Baptiste Brenet est philosophe, professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, directeur du centre de groupe de recherche Antiquité Moyen-Âge et Transmission Arabe qui a édité et traduit différents textes de philosophie médiévale et arabe. Une rencontre qui sera animée par Sakina Baka, présidente de l'association Assa Azeka. Conférence de l'Hôtel de Ville, salle de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne. Ce sera à 19h donc ce 23 janvier. Nous allons parler de livres, d'écriture, de lecture, dans le cadre des nuits des lectures, ou de la nuit des lectures qui se tient cette fin de semaine. C'est d'ici un instant, mais juste auparavant, eh bien une petite pause et proposition musicale avec, eh bien restons dans l'actualité aussi, voilà, musicale et concert. C'est un concert qui se tiendra ce mardi, aujourd'hui, ce jour, à 19h30. Plutôt confidentiel, au Ramin Agrobis, qui est situé 15 rue Georges Dupré à Saint-Étienne, pour y retrouver l'association Alignement des Astres, qui propose le concert de cette musique dite sacrée, expérimentale, baignée de mystique et de poésie, Golem Mécanique, et Marion Cousin. Tantôt autrice-compositrice de Catalina Matoral aux côtés de Borja Flames, tantôt exploratrice expérimentale du répertoire traditionnel chanté de la péninsule ibérique avec Gaspar Claus, qu'on affectionne ici, comme Valt ou Héloïse de Cazès, Marion Cousin, qui s'aventure donc en solitaire au synthétiseur FM et à la voix Android dans ce solo nommé Mélancholy Mo, que je vous propose eh bien, d'écouter. Elle a sorti un album en 2023 chez Titania Tapes. Je vous la propose via le titre L'étang, issu de cet album, pour ce concert donc de ce jour, ce soir, rue Georges Dupré à Saint-Étienne. Je dormis des mots, des sons sensibles sur le 89.5 de la bande FM. Vous êtes bien sûr Radio Dio. Celui-ci a étudié le chant lyrique et pratique la boxe française. Il anime aussi des ateliers d'écriture, il écrit de la poésie, du rap, des nouvelles et compose sur scène également. Des performances mêlant prose, chant et musique. Il s'agit de Marin Fouquet, qui est diplômé des Beaux-Arts de Cergy. Il est né pour son petit CV en 1991. Il a publié 3 ouvrages. Il y a eu 7-7, son premier roman, publié chez Actes Sud en 2019, remarqué par la critique, qui lui a valu d'ailleurs une bourse et différents prix. De même pour GAV ou Gave, Garde à vue, son deuxième roman. Et puis un troisième ouvrage, c'était il y a 2 ans de cela maintenant, 2023, puisqu'il avait diversifié son œuvre en publiant « À la terre », qui était paru aux éditions 21, un récit inspiré de son expérience de travail dans le monde agricole, où il captait les tensions sociales et écologiques de la vie rurale avec une approche sensible et engagée. C'est aussi ce qui peut-être bien peut définir Romain Fouquet, qui est en résidence à Saint-Étienne. Un auteur en résidence d'écriture, en effet, depuis le 13 janvier dernier, pour une première phase, jusqu'au 14 février prochain, et puis une deuxième période de résidence attendue du 14 avril au 13 juin prochain. L'objectif étant de créer un cadre propice où l'auteur, en résidence d'écriture, Marin Fouquet en l'occurrence, pourra donc se consacrer certes à son écriture, tout en s'immergeant dans la vie locale forésienne et stéphanoise. Donc voilà, il va bénéficier de 3 mois de résidence à Saint-Étienne, où il pourra alterner entre des périodes donc, pour se concentrer sur son écriture et des moments d'échange avec la ville, je dirais, c'est-à-dire des habitants, habitantes, bref, des occasions diverses de découvrir son travail et d'interagir avec lui. Marin Fouquet était présent à la bibliothèque de Carnot, précisément pour ce lancement de résidence, semaine dernière. C'était jeudi 16 janvier. C'était l'occasion pour Marin Fouquet de lire quelques-uns de ses textes et de s'entretenir avec le public présent sur son travail d'écriture, histoire de le présenter en quelques minutes. C'est ce que je vais vous proposer d'ici un instant, puisque nous avons suivi ce temps de lancement de résidence et de rencontre. Une prise de sang, je dirais, au pied levé, en remerciant encore d'ailleurs toute l'équipe de la bibliothèque de Carnot. Un temps de présentation donc de Marin Fouquet, de sa démarche, et puis un extrait aussi d'une petite lecture qu'il a pu réaliser parmi d'autres d'ailleurs lors de cette séance et de cette rencontre du 16 janvier dernier. D'écriture pour parler de lecture, nous le ferons après écoute de cette rencontre auprès de Marin Fouquet, pour cette nuit de la lecture qui est attendue cette fin de semaine, opération nationale, et qui se tiendra à Saint-Étienne à partir de jeudi jusqu'à ce samedi 25 janvier. Rencontre avec Marin Fouquet en résidence d'écriture à Saint-Étienne. Donc c'est d'ici un instant sur Dio. Déjà bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement malgré le givre de tout à l'heure et ce froid auquel je vais finir par m'habituer. Comment l'écriture ? C'est une bonne question parce que très souvent, la manière dont c'est posé, la manière dont on est amené à répondre en tant qu'auteur ou autrice, c'est très souvent en parlant d'autres auteurs, d'autres autrices. Et ça, moi, j'ai toujours un peu de méfiance parce que, je sais pas, mais ça fait quand même un bout de temps que, par exemple, la radio, ça existe et qu'il y a de la musique, il y a de la chanson française, par exemple, qui passe à la radio depuis un petit bout de temps. Et très souvent, on entend des choses avant de les lire. Et moi, je pense que c'est venu, en tout cas pour moi, c'est venu beaucoup, tout début, quand je remonte, beaucoup en fait la chanson française, oui. Des chanteurs qu'écoutaient mes parents, c'était Ferrat, ils n'étaient pas trop Brassens, moi plus tard j'ai été vers Brassens, j'ai été vers Gainsbourg, mais de mon côté eux ils n'aimaient pas. C'était plus Ferrat, Brel, oui. Barbara, beaucoup ça au début. Et ça mine de rien, j'y repensais en fait la dernière fois, je me réécoutais, c'était quoi que je me réécoutais? Pas Brel, bien sûr, c'était Amsterdam, mais aussi une autre, j'ai retrouvé dans une autre chanson de Barbara, je crois. Ce truc-là, de ce narrateur, si on prend comme un narrateur, ouais. dans Amsterdam, où il parle d'une ville, jusqu'à ce qu'il crache son morceau. Ouais. Il pisse comme je pleure comme sur les femmes infidèles. Et où en réalité, ce portrait de la ville, c'est juste un type qui parle, donnez-moi mon langage un peu jeune, mais qui a le seum, comme on dit. Et juste le seum, il s'est fait tromper, et voilà, il nous pond toute une chanson magnifique. Il y a un truc un peu ridicule de ça, ridicule et beau. Et quand on regarde, en fait, 7-7, il est basé quasiment sur le même mécanisme, presque. C'est-à-dire un type qui va parler de plein de choses jusqu'à la cracher, sa pilule, jusqu'à dire ce qu'il a au fond de lui. Et je m'en étais pas rendu compte, mais en le réécoutant, je me suis dit, mais oui, c'est parce que ces chansons m'avaient énormément marqué, ce phénomène-là d'écriture m'avait marqué, c'est-à-dire on cache jusqu'au bout, avec beaucoup de pudeur, ce qu'il y a réellement derrière. Vous êtes son écriture. Ouais. D'accord. Et donc c'était beaucoup la chanson au début. Puis ensuite, chanson française, après, donc ça c'était les goûts de mes parents, et puis comme tout le monde, on se met à avoir ses propres goûts. Moi, ça a été le punk, ça a été un groupe, je ne sais pas si vous vous souvenez, les Béruliers Noirs. Oui. Ouais. Ça me dit quelque chose, parce que j'ai un certain âge. Ben oui, mais tu vois, moi je suis une génération encore après, mais quand j'écoutais du punk, donc le punk était malheureusement, bon, il est plein de s'il y a des anciens punks qui me diraient, non, le punk n'est pas mort, mais il est quand même un peu mort. Ouais, un peu. Et il était déjà mort, moi, mais j'avais l'impression que ça me parlait énormément parce que j'ai grandi donc en Seine-et-Marne, dans un petit village au milieu des champs. Et ce truc-là de nos futurs, de il n'y a rien qui nous attend, je le sentais profondément au fond de moi parce que pour nous, en tout cas en tant que jeunes, dans ce village, il n'y avait rien qui nous attendait. Et c'est le sujet de 7-7. Ouais, bah oui, clairement. On est clairement ancré là-dessus sur le fait qu'il n'y a rien qui est proposé à une certaine génération, en tout cas dans des zones périurbaines, dans une ruralité, et que ce rien qui est proposé en face, qu'est-ce que ça crée? Ça va créer à la fois le meilleur comme le pire, ça crée beaucoup d'inventions, d'inventivité, et aussi de sacrées conneries. Donc ça parle notamment de ça, c'est 7-7. Et puis, après le punk, ça a été le rap. Et là, le rap, vraiment, je m'y suis épanoui, je me suis mis à en écrire. J'avais un vrai plaisir de ça, parce que ça permettait, contrairement à la chanson, de pouvoir remplir entièrement, par exemple, 3 minutes. Entièrement de texte, il n'y a pas de refrain, enfin en tout cas maintenant il y en a beaucoup de refrains, mais il n'y a pas d'obligation au refrain, ça permet de dire plus. Puis ensuite ça a débordé, c'est-à-dire que de choses très rythmées qui sont le rap, c'est devenu au fur et à mesure de la poésie sonore, parce que la mesure m'embêtait, me permettait pas de tout dire. Et puis ensuite, une fois que je suis allé vers la poésie, c'était au début des lectures, parce que comme personne, enfin très peu de gens lisent de la poésie contemporaine. Je sais pas, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui lisent de la poésie contemporaine? Mais en ce truc-là de la poésie, puis il y en a quand même qui ont levé la main, et je vous remercie d'être là, il faut continuer. Et aussi, enfin, ça, petit aparté, on sent au fur et à mesure qu'il y a une espèce aussi de revival de la poésie, et ça revient vraiment en force, il y a de plus en plus de soirées de poésie, de lieux de poésie, donc la poésie revient. Mais moi, c'est vrai que j'ai commencé à faire de la poésie sonore. Est-ce que vous voyez ce que c'est la poésie sonore ou pas? Non, je crois qu'il faut un peu expliquer. On recite, voilà. Poésie sonore, terme qui a été notamment beaucoup développé par un type qui s'appelait Heitzig dans les années. Alors je vais dire des bêtises en date et en nom, vous allez voir, je suis une catastrophe. Mais je crois qu'on est dans les années 70-80, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Et poésie sonore, donc, qui va s'attacher essentiellement déjà à la performance, c'est-à-dire au moment où la poésie est dite, et non pas forcément à l'objet livre, qui va aller travailler aussi une nouvelle forme, des formes beaucoup plus expérimentales. Et ça, c'était un petit peu la forme de base. Alors, Heitzig, vous pouvez regarder, par exemple, sur Internet, ou essayer de chercher des vidéos dans des archives, il y a quelque chose qui, parfois, est un peu froid, moi, je trouve. Et c'est devenu plein de courants, ensuite. Ouais. Et moi, je suis rentré assez tôt dans un collectif qui s'appelait l'Armée Noire, qui a été créé par Charles Penquin, qui est un poète sonore, et dans lequel, en fait, on lisait des textes dans des lieux qui n'étaient pas faits pour, c'est-à-dire des premières parties de concerts punk, dans des bars, dans des manèges, dans... qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Dans la rue, sur la place de la République, sur plein de lieux comme ça pour emmener la poésie ailleurs. Et quand je faisais partie de ce collectif, au début, je lisais juste un texte comme par-ci, par-là, avec tout le reste du collectif. Puis au fur et à mesure, c'était des apparitions qui ont duré 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, jusqu'à ce que les maisons de la poésie viennent me voir et me disent à la fin des performances, c'est très intéressant, où est-ce qu'on peut lire ça? Est-ce qu'il y a un livre? Et je leur disais, moi, j'ai pas de bouquin, quoi. Ils me disaient, bah, nous, pour te programmer, il faudrait qu'il y ait un bouquin. Donc là, je commençais à penser à une édition. Et à l'époque, j'étais surveillant au collège. Et j'observais beaucoup les bagarres des collégiens. Comment ils se tapaient dessus dans la cour. Et moi, je pratique la boxe. Et ça me faisait beaucoup réfléchir sur ce que moi, je faisais la journée, c'est-à-dire les empêcher de se battre. Et puis le soir, monter sur un ring pour tabasser des types, quoi. Ou me faire tabasser. Et à quel endroit est-ce que la violence, elle est légitime? À quel endroit elle l'est pas? Pourquoi est-ce qu'on a créé des règles pour encadrer la violence? Pourquoi est-ce qu'on a besoin, à un moment donné, que la violence s'exprime? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est lié à la virilité? Est-ce que c'est lié à quelque chose de plus global? Quand j'écoutais les discussions dans les vestiaires de boxe, à l'époque, je faisais de la boxe française. Et contrairement à l'image qu'on a, très souvent, il y a une image un peu figée de la boxe française, donc pied-point, pratiquée notamment par les équipes de Clémenceau à l'époque, oui, et voilà, compagnie. C'est ça, moi, j'ai ça en tête. Il y a une image un petit peu digne comme ça. Et puis la boxe anglaise, pour le coup, juste les points, c'est Mohamed Ali, c'est des personnes issues beaucoup plus historiquement dans l'histoire de la boxe de quartier populaire, d'abord c'est les deux pays aussi, c'est des Irlandais, c'est des Afro-Américains. Et l'image qui est beaucoup plus classe de la boxe française et beaucoup plus violente de la boxe anglaise, dans les vestiaires, c'est tout le contraire. Dans les vestiaires, en tout cas moi ce que j'ai vécu, les discussions de vestiaires de boxe française étaient bien plus... glauque et viriliste que les discussions de boxe anglaise. D'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, je fais de la boxe anglaise. Ouais. Et bref, ces discussions-là qui étaient macérées de virilité, et la jeune virilité qui était en train de se jouer dans les bagarres de collège, me posaient des questions et j'ai écrit donc un recueil qui n'est jamais paru et qui ne paraîtra certainement jamais parce que aujourd'hui, je. Voilà. Il, voilà. Mais ce truc-là, je l'écris, qui était entre la poésie et un début de fiction. Je l'envoie à plein de maisons d'édition. J'ai que des refus. Sauf une personne qui m'appelle, qui est Irène Lindon, des éditions de Minuit. Mmh. Et pendant 20 minutes, elle m'explique, voilà, j'aime beaucoup comment vous écrivez. Seulement, on ne peut pas publier ça, c'est ni de la poésie, ni du roman. Donc en fait, on ne va pas trouver de lecteur et de lectrice. Et en fait, on vous envoie au casse-pipe. Donc écrivez-moi un roman. Donc c'est pour ça que j'ai écrit 7-7. C'était pour Irène Lindon, pour l'édition de Minuit. J'écris 7-7 et j'envoie à ma Irène Lindon. J'ai pas de réponse jusqu'à un jour où je reçois une lettre qui tenait en une phrase qui disait, je me rappellerai toujours, « Cher Monsieur Fouquet, je ne sais que vous dire à part que je suis totalement étrangère à ce texte. » Irène Lindon. Voilà. Et après j'avais un texte sur les bras et je l'ai envoyé à plein de maisons. J'ai eu que des refus. À l'époque, j'étais manutentionnaire en entrepôt. Que des refus, jusqu'à ce que je fasse une performance dans une médiathèque, et donc l'importance des médiathèques, même pour nous les auteurs. Non mais pour le coup, je le dis pas pour lancer les fleurs, c'est ce qui m'est arrivé. Performance dans une médiathèque où il y avait une autre autrice qui était invitée, qui s'appelle Hélène Gaudy, je sais pas si vous voyez son travail. Oui, on voit très bien. Ouais. Un très beau travail. Elle est passée à Saint-Étienne dans une librairie il y a pas très longtemps. C'est une grande autrice, ouais. Et Hélène Gaudy était présente, elle vient me voir à la fin de la performance, et elle me dit... C'est vachement bien ce que t'écris. Et où est-ce qu'on peut te lire? Encore cette fameuse question. Et je dis, nulle part, parce que personne ne veut de mon livre. Est-ce que tu veux bien y jeter l'œil et me dire s'il y a un truc qui cloche selon toi? Je dis oui, avec plaisir. Je lui envoie, donc je lui envoie 7-7. Et j'ai pas de réponse d'Hélène Gaudy. Au bout de 3 mois, je la relance, un petit peu gêné. Je lui dis, est-ce que je... Elle m'a dit, mais je l'ai passé à mon éditrice, parce que je l'ai commencé, je trouvais ça vachement bien. Je passe à mon éditrice. Elle va t'écrire. 6 mois passent, toujours pas de réponse, ni de l'éditrice, ni quoi que ce soit, que des refus. Jusqu'à ce que je reçoive un mail, je m'en souviendrai encore, c'était c'était la veille du salon du livre de Paris, de Marie Demeure, chez Actes Sud, qui m'écrit, qui me dit, voilà, ça fait maintenant 8 mois que j'ai votre manuscrit dans mon sac, je l'ai jamais ouvert, je l'ai emmené à Bruxelles, je l'ai emmené partout, il est écorné de partout, je l'ouvre là dans le train, je pense que vous avez déjà trouvé un éditeur. Et si vous n'avez pas trouvé, faut qu'on se rencontre. Ah oui. Et c'est comme ça, enfin voilà. Donc c'est passé d'un amour de la chanson, ensuite le rap, la poésie, la scène, et ensuite le roman. On est sur la boxe en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Il n'est pas anodin que j'aime à ce point me faire démolir par d'autres hommes sur un ring. Non, vraiment pas. Moi, quand je monte, quand l'arbitre me tire les gants pour voir s'ils tiennent et qu'il me tape les couilles pour voir si la coque, c'est jamais pour la gagne. Tout le monde le sait, même l'arbitre, ça se voit à son air. Il regarde mes yeux longtemps, il cherche quelque chose mais n'y trouvant rien, rien de méchant ou prédateur, il me fait son sourire. celui qu'on sert au clodo, qui nous demande une clope. Là, je lui souris en retour. Comme on dirait, j'ai l'habitude, t'inquiète, c'est pas grave. Puis me glisse entre les cordes. On dit des noms, on annonce les coins. Le type en face, un jeune rable du genre maçon avec ce truc dans le regard qu'on appelle la gagne et que moi je n'ai pas. La cloche, j'avance, une première gauche pour faire mine d'évaluer la distance et puis vient son premier coup, une esquive du bassin suivi d'un crochet du foie. Oh bien sûr, ça brûle. Ça brûle presque autant que son regard. Après c'est la suite et je survis les rounds. C'est comme ça et c'est pas le plus important, c'est pas ce que je recherche en tout cas, parce que ce que je recherche moi, c'est quand viendra son dernier coup. La cloche qui sonne et le rabelais à la gagne évidente qui relâche le regard. Alors là, dans ses bras, quand il me prendra enfin dans ses bras, je saurai. Je saurai qu'il m'a vu, observé, regardé, reconnu et démoli. Démoli comme aucun homme avant lui ne m'a jamais aimé. La boxe, forcément, qu'il affectionnait, qu'il pratique. Marin Fouquet, rencontré donc semaine dernière pour ce lancement de résidence. Il sera en effet en résidence d'écriture. Je vous l'ai annoncé à Saint-Étienne. Il l'est actuellement jusqu'à mi-février, avant une deuxième période prévue du 14 avril au 13 juin prochain. Trois ouvrages à son actif, À la Terre, JAV, Gave et 7-7. Et puis donc il a, vous l'avez entendu également, collaboré à divers projets audiovisuels et artistiques en développant aussi une approche assez performative qui inclut à la fois comme ça des textes sonores et des compositions musicales. Voilà pour cette rencontre. Alors un son assez médiocre pour cette prise de son et de cette rencontre jeudi dernier. On aura l'occasion de le retrouver dans de meilleures conditions, j'imagine, sur le 895 de Dio, en suivant aussi ce travail d'immersion finalement dans la vie locale à Saint-Étienne et de ce travail, ou processus de travail finalement en cours d'écriture pour Marin Fouquet. De l'écriture à la lecture, et oui, c'est aussi l'occasion de vous inciter à ouvrir les livres avec, et c'était prétexte à cette diffusion-là, les Nuits de la Lecture qui vont se tenir cette fin de semaine. C'est une opération nationale qui est initiée par le ministère de la Culture, qui se tient à partir de ce jeudi 23 janvier jusqu'au 26 janvier. Et ce sera à Saint-Étienne à partir de ce jeudi jusqu'au samedi, voilà, du 23 au 25 janvier, autour de la thématique des patrimoines. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que les propositions sont nombreuses, mais voilà, quelques rendez-vous temps fort peut-être à vous proposer. Ça s'ouvre donc ce jeudi 23 janvier avec Laissez parler les petits papiers, par exemple, une conférence lecture en présence du comédien Grégory Bonnefond et Olga Rioz, qui est relieuse d'art. C'est à l'occasion de la sortie du recueil Synthé s'écrit. C'est un objet conçu artisanalement et relié à la main. Et c'est la Maison du patrimoine et des lettres qui vous invite à cette conférence d'Olga Rioz consacrée au papier et au livre et à l'art de la reliure, et ponctué donc par des lectures de textes issus de ce travail collectif. Il y avait un appel qui avait été lancé, Synthé s'écrit, par Grégory Bonnefond. Ça sera donc ce jeudi 23 janvier à la Maison du patrimoine et des lettres, à partir de 19h. Et il y aura d'ailleurs sur ce même lieu, cette même Maison du patrimoine et des lettres, une nouvelle rencontre qui sera proposée également samedi 25 janvier en plusieurs séances, 9h, 11h, 13h30, 15h30, 17h. Samedi 25 janvier sera un peu la journée forte de ces nuits de la lecture. Mais d'autres rencontres, et toujours avec le comédien Grégory Bonnefond de la compagnie De l'âme à la vague, Synthé s'écrit, mais Synthé se crie aussi. Alors il fera office de crieur public, vous connaissez peut-être le principe, hein. Il s'agit de se présenter en lieu public, en espace public, et d'assurer des criers publics, ce qu'il fera de façon itinérante avec une sélection de textes toujours issus de ce recueil Synthé s'écrit, et ce sera en différents lieux, samedi à Carnot à 11h, à Tarentaise à 14h30, au Square Massenet à 16h30 ou encore Place Boivin à partir de 18h. Et puis d'autres rendez-vous, par exemple notamment samedi, je vous le disais, temps fort de ces nuits de la lecture, avec différentes je dirais animations prévues, comme la visite du magasin de la bibliothèque municipale de Saint-Étienne, qui est une des 54 bibliothèques classées de France, qui gère des collections d'une grande richesse et des fonds patrimoniaux appartenant à l'État, issus des saisies révolutionnaires et enrichis au fil de l'histoire par nombreux dons, legs et dépôts, un fonds ancien important et imposant. C'est l'occasion de découvrir aussi ce patrimoine écrit de la ville. Ce sera la médiathèque de Tarentaise à partir de 10h. Et puis d'autres jeux, des ateliers, des dictées, des blind tests, du mash-up, donc montage, mixage d'images illustrées, une chorale, voice checkers également à 18h30, salle grand public de la médiathèque de Tarentaise. Voilà, ça c'est un des temps forts. Et puis un spectacle Gaga par exemple, avec Elles nous font mener ces gambelles, avec Marc Feuillet, Lily Barbier et Nathalie Berger. Ce sera à 20h également, samedi 25 janvier. Bref, vous pouvez aller consulter le site de la ville, notamment le programme des médiathèques municipales de Saint-Étienne, pour avoir toute la programmation détaillée de ces nuits de la lecture 2025, du jeudi 23 au samedi 25 à Saint-Étienne en différents lieux. On va faire une petite proposition musicale avec, alors oui, une actualité aussi alors cinématographique. Tout d'abord, on est veille de mercredi. Alors justement, c'est la sortie cinéma, ou ce sont les sorties cinéma. Et juste à signaler quand même qu'à partir de ce jeudi 22 janvier et jusqu'au 28 janvier prochain, et ce sera même aussi du 29 janvier au 4 février, une sorte double festival dans les salles ARS de la ville, c'est l'incontournable festival Télérama, qui reprend donc durant ce mois de janvier les films qui ont marqué, donc les grands films de 2024, et puis une série aussi d'avant-première des films qui feront peut-être bien 2025. Donc c'est un festival qui est proposé à partir de ce 22 janvier, 27e édition de ce festival Ciné-Télérama. Donc c'est une sélection de plusieurs films, d'une bonne dizaine de meilleurs films de l'année 2024. Donc c'est très subjectif, mais choisi en tout cas par la rédaction de Télérama, et qui sera proposé dans de centaines de salles ARS de France, mais aussi dans nos salles ARS stéphanoises. Donc c'est aussi un tarif intéressant de 4 euros la place, sur présentation du pass pour cette manifestation. Alors vous avez toute la programmation du côté du Méliès qui va reprendre Les Graines du Figuier Sauvage, Miséricorde, Les Fantômes, Los Delincuentes, À son image, Veux Substance, L'Histoire de Suleiman, Flo, Le Choc qui n'avait plus peur de l'eau, La Zone d'intérêt, Via Prentice, Emilia Perez, All We Imagine As Light, Le Mal N'Existe Pas, Borgo, Madame Hoffman, Le Comte de Monte Cristo. Ça c'est pour le festival Télérama en tant que tel, les avant-premières autour de différents films de Pablo Larraine, Karine Tardieu, Antoine Chevrolier et bien d'autres encore. Et puis double festival, je disais, du côté du Méliès, puisque c'est aussi son propre festival, Top of the Flops. Voilà, il y a les grands succès, de façon très subjective je le disais, mais il y a aussi les succès moins évidents, ceux qui ont été parfois des flops dans l'année, mais qui restent des coups de cœur. Et c'est le cas d'une sélection de l'équipe du Méliès avec un top 5 de 2024 que vous pourrez aussi apprécier durant ce festival. Il y a Dreaming Walls, Hear, Les Plus Belles Années de Notre Vie, Riverboom, Les Chambres Rouges, L'Esprit Coubertin par exemple. Voilà, ça c'est donc le sort de double événement festival Télérama et Top of the Flops à découvrir et à vivre au Méliès Saint-Étienne. Voilà, à partir de ce 22 janvier, toute fin de ce mois et début même de mois de février. Et alors concernant le cinéma, forcément, hommage à cette... comment dire, je dirais ce monstre hein, du cinéma et du 7e art, c'est David Lynch qui vient de disparaître, dont c'était l'anniversaire aussi hier d'ailleurs, ce 20 janvier. David Lynch qui va faire l'objet d'une petite rétrospective et d'une nuit Lynch qui est attendue. Il s'agira de déclarer sa flamme finalement au réalisateur David Lynch. Une nuit consacrée au Méliès Saint-François qui aura lieu le vendredi 14 février prochain, qui sera le jour de la Saint-Valentin. Rien de tel que ce jour-là pour une programmation d'amour, avec l'occasion de faire sélection dans toute sa filmographie, des films qui vous ont plu et que consulte le cinéma Le Méliès par exemple pour assurer cette programmation dont vous serez donc co-réalisateur ou co-programmateur, programmatrice finalement. Alors on va faire une petite proposition musicale, c'était forcément complexe, hein, la musique très présente dans le cinéma de Lynch, mais parce qu'aussi je reparcourais l'univers de celui que l'on nomme The Big O, il s'agit de Roy Orbison dernièrement, et forcément on pense aussi à cette chanson et cette scène incontournable du film Blue Velvet, avec cette reprise fameuse, mise en scène incroyable, et je dirais presque incontournable, issu de Blue Velvet, In Dreams de Roy Orbison, dans ce film fameux de Lynch bien sûr. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away. Les rêves mots-clés de David Lynch, ce velours bleu, film de 86 avec bien sûr son fidèle Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern. Dans ce film Blue Velvet, qui tire aussi son nom de la chanson du même nom des années 50, période aussi assez repère finalement pour David Lynch. Voilà, petit hommage sur le 895 de Dio. Et on ne peut aussi s'empêcher d'avoir une pensée pour notre Blue Bob. Tiens, finalement aussi à nous, notre Bob Hope de radio, bien sûr, et les Twin Peaks qu'il proposait en épisode diophonique dans les années 90. Le temps passe très vite, c'est la toute fin de ce programme démo des sons sensibles. On va se quitter à nouveau en musique. On se retrouvera jeudi pour un dernier numéro de cette semaine, qui sera essentiellement d'ailleurs culturel et musical, parce qu'il y a vraiment énormément d'actualité en la matière. Simplement terminer avec cette proposition concert de cette fin de semaine. Ce sera ce samedi 25 janvier, c'est un des tout premiers concerts de l'année du côté de la salle Le Fil à Saint-Étienne, et c'est en tout cas une des premières dates partenaires de cette année, avec une belle affiche partagée entre Bruit Noir, le fameux duo emmené par Jean-Michel Pires et Pascal Boisise, et Gwendoline, fameux groupe et autre duo de la scène indé rennaise, signé sur le fameux label Bandbad Records. On va terminer avec ce « Parce que j'ai rêvé d'être riche » de Gwendoline pour ce concert ce samedi soir, salle Le Fil, 20h30, une date partenaire, c'est-à-dire que cela signifie aussi je concours, et donc place à gagner ici à l'écoute du 895 au bout du fil. C'est au 04 77 25 05 94, n'hésitez pas à nous joindre, ou si vous chopez la rediff, un petit mail sympathique à redac@radiodio.org. On termine là-dessus. Tout bon chez vous, portez-vous très bien. Ciao, bye. Tous les 20.